mêmes qui l'ouvrent, les mêmes qui s'ouvrent. Toujours ces mots qui retrouvent à la même boucle, dans le même gouffre. Les mêmes groupes de mots dans les mêmes roues. Je n'en joue, c'est les mêmes poupous. Nous tous, on aimerait tous à la goulette. Tous à la goulette. Chez nous, c'est bien trop insalubre. Ça pue quand j'avale une bouffe. Et ça marche pas quand j'allume. J'allume. Nous prennent tous pour des hommes singes qui vivraient dans la lune. La lune, je trouve ça nu, salut. Regarde ton ton, ma fuge. J'porte plein d'accords perdus pour leur faire du tort. Lors des heures d'ouverture, vu le score de ces ordures. Afin de torture et de corps du porte dans ma transmorsure. Je dépose et pose l'intérêt. Quand ils veulent savoir si je suis bien d'ici, si ma visite n'a rien d'illicite. Je demande moi si t'étais sage à la piscine, si t'as déjà coupé du chichi ou si t'as déjà eu la peine d'ici. Fort plan, fort pour dégradation des âmes. Difficile ainsi d'obtenir des indemnités. Car même pas ma cité est considérée comme taudis. Mais peut-être qu'on t'a trop dit, boy. Fort plan pour dégradation des âmes. Difficile ainsi d'obtenir des indemnités. Car même pas ma cité est considérée comme taudis. Mais peut-être qu'on t'a trop dit, boy. J'porte, j'porte, blanc, blanc. J'en ai marre de vieilles, des visages fâchés de la veille. On me fuit comme le mec de site, pire de gay. Ça fait plus de 25 ans que je suis noir, mais j'essaye. Dans le métro, sans chier les passagers de ses frais. J'porte, j'porte, blanc, blanc. J'aimerais rentrer à Carrefour, à 5 à 6, qu'est-ce que ça fout. Sans qu'on me dise, fais voir ton flou, qu'on arrête de me faire suivre. Sinon qu'on le fasse bien, bien. À garde au rayon, parce que c'est grillé comme dans le gel à les cuivres. J'porte, blanc, contre les policiers. À contrôle, sans histoire, même si t'es policier. Impossible, inimaginable. Pour eux, je suis qu'un gaminable, un goût. Coupable de tout, cas, capable de porter. Blanc. Sur cette compile, contre les compas, et même les compères, merci monsieur, ça tombe pile. J'aurais beau porter plate, j'aurais d'autres portes écrases à défoncer. Pour qu'on juge ne serait-ce qu'une fois les âmes. J'porte plein de portes pour dégradation des âmes. Difficile ainsi d'obtenir des indemnités. Car même pas, ma cité est considérée comme taudis. Mais peut-être qu'on t'a trop dit, boy. J'porte plein de portes pour dégradation des âmes. Difficile ainsi d'obtenir des indemnités. Car même pas, ma cité est considérée comme taudis. Mais peut-être qu'on t'a trop dit, boy. J'porte plein dans le couplet, couplet. De ceux qui veulent pas voir ça couplet. Babtou, niggas, beaucoup plaît. Zante sur nos frères et d'heureuses qu'on beaucoup de plaies. Beaucoup blesse. Mon peuple ne croit pas que le voir avec de la merde jusqu'au coup me plaise. J'porte plainte, porte plainte. Image, image de macaque. Malgré ça, personne pourra me maquer. J'ai eu des idées macabres. Tranché des fachos, ça pend leur tête à nappe. Regarde qui est le plus barbare. Hey yo, ma sache, on dirait Noël à la haine. Sinon, d'autres victimes à la une. Oui, encore des fous qui se disent à la une. À la deux, à la trois, dans la scène. Un noir, un arabe, au fin fond de l'océan. J'porte plainte, porte pour dégradation des âmes. Difficile ainsi de venir des indemnités. Car même pas, ma cité est considérée comme taudis. Mais peut-être qu'on t'a trop dit, boy. J'porte plainte pour dégradation des âmes. Difficile ainsi d'obtenir des indemnités. Car même pas, ma cité est considérée comme taudis. Mais peut-être qu'on t'a trop dit, boy.